Bon matin, bienvenue à une autre édition de CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. Cette semaine, on compresse la semaine du 16 avril 2012. En plus des nouvelles des 7 derniers jours, on aura aussi les nouveautés en magasin cette semaine et de la musique chiptune. On commence avec la chronique de mardi. Première chronique geek de la semaine, on n'a pas eu depuis jeudi dernier, donc quand même pas mal de nouvelles. Ça date. Donc on va y aller avec, pour commencer, des nouvelles technologies que, hein, des nouvelles d'avancées technologiques. Okay. Le Pentagon a passé une commande pour un prototype de lentilles pour les yeux qui permettent une double mise au point à son usager. La technologie iOptic est développée et brevetée par Innovega. Elle vise à accorder aux soldats sur le champ de bataille un deuxième élément de mise au point qui leur projetterait de l'information en temps réel. De l'information dans les verres, les contacts. Je sais pas, les lunettes, tu trouves que c'est une bonne idée? Oui, mais en même temps, à la guerre, là, des lunettes, là, c'est la perle, ça, là, ouais, mettons. J'avoue. Il existe déjà des technologies pour informer directement le soldat de son environnement, cependant, elles sont plus lourdes et invasives. Innovega a transformé la technologie de système d'affichage à tête levée, un HUD, H-U-D, pour pouvoir la placer sur une lentille. La partie centrale de la lentille envoie la lumière avec l'information virtuelle au centre de la pupille, et la partie externe envoie la lumière de l'environnement réel vers les contours de la pupille, créant ainsi une mise au point multiple, ce que les humains ne sont pas capables de faire normalement. Malgré la commande du Pentagon, Innovega ne compte pas limiter l'exploitation de sa nouvelle technologie à une utilisation militaire. Elle se présente d'ailleurs comme un possible compétiteur aux lunettes intelligentes de Google. Tu sais, on parlait du Glass Project. Exact. Qui était annoncé récemment. Encourageant la sous-traitance de la manufacture des lentilles iOptic, le président d'Innovega, Steve Wiley, y anticipe des fonctions commerciales. Évidemment, ça pourrait créer des expériences immersives au cinéma ou dans les jeux vidéo. T'imagines, tu joues à un jeu vidéo puis t'as des résultats de... C'est fou, là. C'est génial. C'est complètement fou, là. Les lentilles doivent encore passer des tests cliniques pour être approuvées par la Food and Drug Administration aux États-Unis, mais Steve Wiley assure que les lentilles vont être offertes au public d'ici la fin de 2014. OK. Bien trop, non. Ouais, je comprends pas comment ça fonctionne. Ça, c'est pour les autres. C'est pour les soucier. Autres. Parce qu'à la limite, ça doit prendre une batterie. Je sais pas, hein. Je sais pas. C'est intriguant. Ouais, tout à fait. Ça me donne vraiment envie d'en avoir. Tu peux pas les plugger. Ça serait bizarre. Oh, quand t'as un fil qui te sort de l'œil. Hey, c'est un signe dans l'œil. Non, c'est le fil, ma batterie pour mes verres contents. Dans la catégorie choses qui ne semblent pas possibles, mais qui le sont vraiment. Des chercheurs japonais ont réussi à construire quelques composantes rudimentaires de l'ordinateur en exploitant non pas l'électronique, mais la façon dont des hordes de petits crustacés se comportent en public. OK. Des crabes. Les animaux en question sont des soldier crabs, on pourrait dire des crabes soldats, là, si on veut. Lorsqu'ils se déplacent en groupe de plusieurs milliers, ces animaux agissent de façon prévisible. Ceux qui sont aux limites extérieures du groupe peuvent, par exemple, être forcés à se déplacer dans une direction donnée en simulant la présence d'un prédateur, tandis que ceux qui se trouvent au milieu de la horde ne font que suivre les leaders sans trop réfléchir. Les chercheurs ont donc construit quelques réseaux de tunnels dans lesquels ils ont placé des groupes de crabes et en utilisant certains stimuli pour les faire bouger et les configurations des tunnels pour contraindre leurs mouvements. Ils sont parvenus à construire une composante logique appelée la porte OU. Celle-ci correspond à l'opération logique OU dans la valeur de sorte qu'elle est vraie si au moins l'une des valeurs entrées représente... C'est compliqué, là. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chercheurs ont aussi développé, c'est pas très important, je pense. Les chercheurs ont aussi développé une porte E, donc une porte OU, une porte E. Il y a une différence entre les deux. Pour construire un véritable ordinateur, il faut quelques dizaines de milliards de ces portes logiques. Alors, on est encore loin du jour où chacun d'entre nous pourra remplacer son PC par un aquarium avec des crabes dedans. Mais quand même, ils font des expériences. C'est compliqué tout ça. Maintenant, le début de la fin de la carte bancaire au Japon. Ah ouais? Banque japonaise dans la préfecture de Gifu qui permettra à ses clients de passer leurs transactions en scannant la paume de leur main sans avoir recours à leur carte bancaire. À partir de septembre, la banque voudrait offrir à ses clients la possibilité de faire des retraits à partir de leur distributrice en passant leur paume sur un scanner, ce après quoi ils entreront leur NIP pour accéder à leur compte. Avant de pouvoir le faire, ils vont devoir enregistrer certaines informations biologiques avec la banque, bien évidemment. Ogaki Kyoritsu veut installer ses nouveaux guichets automatiques dans 10 succursales, 2 banques mobiles et un service à l'automobile. Dès septembre. Ce type de scan n'est pas rare au Japon, mais c'est la première fois qu'une telle technologie prend place en délaissant complètement la carte bancaire. Donc, à la place de scanner ta carte, tu scannes ta main et ensuite tu rentres ton code. C'est quand même trop, si tu te fais frauder, ça doit marcher avec des puces, ça, j'imagine? Non, je pense non, que je sais c'est, pas. C'est vraiment tes empreintes digitales? Je sais pas. Bonne L'histoire question. L'histoire l'a dit pas. Ben, on va voir. La banque a développé cette idée après le tremblement de terre qui a frappé le Japon en 2011, suite à quoi de nombreux clients avaient perdu leur carte bancaire. Être sa propre carte bancaire permettrait d'éviter les embarras causés par la perte accidentelle. Il s'agit d'une solution de rechange en cas de perte de carte. Donc, pour l'instant, mais ça pourrait venir plus tard. Ça le dit pas. Finalement, dans l'article, je sais pas. Oui, mais... J'avais l'impression que ça scannait ta main un peu comme ça scanne tes doigts pour des empreintes digitales. Des empreintes, mais bon. Les lignes non, de la ça main. Ça se peut, ça se peut. En fait, moi, je serais pas parti à me faire insérer une puce. Là. Non? Ben, toi? Je ferais ça? Ben, dans le futur, moi, peut-être, j'y penserais. Ben, tu sais, si c'était très, très petit et qu'il y avait aucun danger, qu'on sait qu'il y a aucun danger d'avoir. Que ton corps le rejette ou je sais pas quoi. Ah, tu tombes malade à cause de bactéries, je sais pas. Non, c'est ça, je sais pas. Mais tu sais, pour les animaux, ils se font implanter ça, les animaux, à la place d'avoir un collier, t'as une petite puce qui ressemble à un grain de riz. Et puis, ça te permet de retrouver ton animal si jamais tu le perds. Donc, ça, pour ça, je trouve que c'est une bonne idée. Pour les humains, ça pourrait venir. Ça pourrait venir. Ça va rapetisser, ça. Ouais, ça va, j'imagine. Ouais. Malgré l'existence d'une loi qui interdit formellement de parler au téléphone cellulaire dans les voitures, une partie des conducteurs continue de téléphoner au volant de leur auto. Pour lutter contre cette dangereuse habitude, la société Scotch lance le dispositif Cell Control. C'est un outil qui empêche l'utilisation d'un téléphone portable lorsqu'on conduit une voiture. Il prend la forme d'un petit boîtier qui se connecte sur la prise diagnostique OBD2 du véhicule. J'imagine que c'est ce que les garages utilisent pour faire des diagnostics de l'ordinateur de la voiture. J'imagine. Prise qui existe sur toutes les voitures depuis 96. Cell Control se connecte au téléphone portable via une connexion Bluetooth et lorsque la voiture roule, le gadget bloque automatiquement les appels, les SMS et la connexion Internet, entre autres, pour que le conducteur ne soit pas tenté d'utiliser son portable. Une application doit être installée et activée sur le mobile pour que le système fonctionne, évidemment. Cell Control autorise les appels dans une voiture en déplacement uniquement s'il reconnaît la présence d'un kit main libre. Tu vois, là, ça vient empêcher parce que le kit main libre, tout le monde le dit depuis le début, c'est pas. Un kit main libre, tout ce que ça fait, c'est que t'as ta conversation quand même sans les mains. Oh, mais ouais. Tu mènes une conversation pareil, donc t'es déconcentré pareil. Et il faut que t'appuies quand même à des plages, j'imagine. C'est ça. Donc, non, kit main libre, moi, pas du tout. Non, moi non plus. Je comprends pas pourquoi on encourage ça tant que ça. Mais bon. Et en plus, t'as l'air épais quand tu vas à l'épicerie puis tu n'enlèves pas ton maudit Bluetooth. C'est ça. Ah, c'est fatigant. Ouais. Hey, c'est tout. Cell Control qui peut gérer jusqu'à 6 téléphones portables et sera bientôt vendu aux États-Unis pour $130. Voilà. Maintenant, un concours de robots organisé par le DARPA qui cherche à récompenser l'équipe capable de créer un robot pour assister des humains en temps de crise. L'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, donc DARPA, va donner $2 millions américains à l'équipe avec le meilleur robot et un budget de $34 millions sera réparti en contrats et subventions à travers les différentes équipes. Le concours n'est pas un simple événement. Il prendra un peu plus de 2 ans, soit 27 mois. Pour gagner, il faut que le robot puisse passer par 2 étapes de crise différentes dans lesquelles il devra, entre autres, se promener parmi les dégâts, rentrer dans une voiture qu'il devra conduire, détecter des fuites d'eau et réparer les tuyaux endommagés. Eh, bâtard! Il y en a de la job, puis il sera pas payé cher. Non, là. Il sera pas payé cher, pas de break. Là. Pas syndiqué, ça? Pas de break. Juste les batteries, il y a peut-être des breaks, mais c'est un frein, littéralement, dans le robot. Raté un peu. Le but de ce long concours est de créer un robot capable d'aider des êtres humains en temps de crise. Il ne faut pas nécessairement se fier à la vidéo qu'on peut retrouver sur assemblagerequipe.com où on voit un robot à forme humanoïde parcourir un terrain préparé. Les robots ne doivent pas nécessairement avoir une forme humanoïde. Pas obligé d'avoir l'air d'un humain avec 2 bras, 2 jambes. Il est possible d'avoir recours à un mini-robot additionnel pour se faufiler entre les murs, par exemple. Donc, il y a plein de petits critères comme ça. Allez voir sur assemblagerequis.com pour voir qu'est-ce que ça fait un robot qui monte des escaliers et qui les descend. C'est un robot de DARPA. Toujours dans le domaine des robots. Les robots dans les films de science-fiction sont toujours très à la mode. Ils peuvent faire presque n'importe quoi. Et bien, dans la réalité, il va y avoir, en Corée du Sud, un robot garde de prison. Un robot garde de prison. Ouais, un robot guard. C'est le premier robot à être employé dans un centre correctionnel. Il a été développé en Corée du Sud et son but est d'accroître la sécurité dans les prisons et ultimement de réduire le nombre de gardiens requis pour chaque prison. Grâce à ses caméras 3D et ses logiciels spéciaux, il peut facilement voir ce qui se passe et détecter des comportements suspects comme un détenu qui tenterait quand même de se suicider ou encore un combat entre 2 prisonniers. Lorsqu'il voit quelque chose de suspect, hein, vas-y. Ouais, je sais pas. Je suis, c'est capable, t'es derrière. C'est quoi ton mot, hein? Perplexe. C'est un bon mot. Perplexe. Tu penses que ça peut pas marcher? Ben, je sais pas. En même temps, tu sais, c'est rapide, là. 2 gars qui se battent, tu sais, tu peux pas. Il va se lancer dessus. Ben, ouais, mais. c'est bizarre. Hein? J'avoue. Lorsqu'il voit quelque chose de suspect, comme un prisonnier qui tente de scier les barreaux de sa cellule avec une lime à ongles, il sonne l'alarme pour avertir les officiers de la prison qu'il se passe peut-être quelque chose d'étrange et qu'il serait nécessaire qu'ils viennent inspecter. Donc, ce serait même, s'il y avait une bataille, ce serait le robot qui sonnerait l'alarme, ce qui enverrait un vrai garde. Ouais, c'est ça, j'imagine. Ouais. À la limite des caméras de sécurité. Ouais. Ça peut éviter. Ouais, ben c'est ça. C'est, ouais, exactement. Parce que si ça te prend quelqu'un. Ouais. Donc, pourquoi pas juste avoir quelqu'un qui fait sa job, mettons, les gardiens de prison, tu sais, peut-être à la place de. Peut-être qu'à la place de jouer à Bejeweled, il pourrait juste regarder les caméras. Mais j'avoue. Ou tu peux faire les deux, tu sais, si. Oui. C'est ça. Si les gardiens n'ont pas envie de se déplacer, OK, ou qu'ils sont tout simplement trop occupés pour le faire, ils peuvent communiquer à distance par l'entremise du robot avec les prisonniers. Donc, t'imagines le robot qui parle avec la voix de Roger, le gardien de prison. « Hey, lâche ton... » Ouais, c'est ça. T'sais? Arrête, là. Arrête. Crime, les gars sont en prison, là. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est pas... t'es pas en maternelle, mais là. Non, mais non, mais non. T'sais... Mon robot est plus fort que le sien. Ah, ouais. Les autorités de la prison qui peuvent programmer ce robot pour qu'il fasse lui-même ses rondes. Les gardiens de la prison ont aussi la possibilité de contrôler eux-mêmes le robot à l'aide d'un iPad. Pour l'instant, c'est testé dans une prison coréenne. Ah, j'avoue que je suis pas très, très... Tu sais, c'est bien beau vouloir sauver de l'argent, économiser de l'argent en ayant des robots à la place des gardiens de sécurité. Même des fois, t'en perds, là, à vouloir en sauver... Ouais. Non. Maintenant, les babouins ne savent pas lire, tu savais ça? Ah ouais? Ouais, mais en fait, ils savent pas parler non plus. Mais il semble qu'ils soient moins capables de faire la différence entre des mots et des suites de lettres aléatoires dépourvues de sens. C'est du moins le résultat d'une étude étonnante menée à l'université d'Aix-Marseille en France, oui. 6 jeunes babouins avaient accès à un moniteur sur lequel apparaissaient de véritables mots de 4 lettres ou des séquences de 4 lettres qui ne signifient rien, mais qui ressemblent vaguement à des mots comme TELK, T-E-L-K. Les animaux pouvaient obtenir une récompense qui était de la nourriture en appuyant sur l'écran pour indiquer ce que l'on y trouvait, si ce qu'on retrouvait sur l'écran constituait un mot ou pas. Après 4 jours, les babouins avaient complété environ 50 000 tests et trouvé les bonnes réponses plus de 75 % du temps. Oh, c'est bien. Le meilleur lecteur avait aussi réussi à apprendre... c'est dur, les phrases dans cet article-là. Avait même réussi à apprendre à reconnaître systématiquement 308 des 500 vrais mots apparaissant dans le logiciel de test. Les chercheurs vont maintenant tenter d'enseigner un alphabet artificiel aux babouins, ce qui, à moyen terme, pourrait ruiner les carrières de certains journalistes. Hey, attends un peu, là. On veut tout remplacer. On veut remplacer l'humain partout. C'est complètement... On faut se garder de la job aussi. Là. Exactement. Hey, mais c'est quoi, à Canada, dimanche, il y avait un reportage, en fait. C'était DocuD, en fait. Là, ouais. Qui, il parlait vraiment une expérience avec les babouins qui ont essayé d'incruster. Communiquer avec des gestes. Langage comme les sourds-muets. Ouais. Ça fonctionnait bien. Par contre, de temps en temps, il y avait des épisodes agressifs, donc il était dangereux. Il te mordait à la face, t'arrachait quasiment la joue. C'est arrivé à quelques reprises. Wow. Mais c'est vraiment très intelligent. Là. Tu vois là en même temps là, ouais, que Mandy demandait d'aller aux toilettes, mais juste pour pouvoir sortir de la place. Il avait pas vraiment envie. Ah ouais. Ah, oh, c'est wow. Ça avait de l'air attaché, ça avait de l'air la fun, ça te prend dans tes bras, c'est ça. Ah. Ah. Je sais pas s'il buvait de la bière, est-ce qu'il serait encore plus créatif? Sûrement. C'est le prochain article. J'imagine. Oui, une étude scientifique qui t'a démontré qu'un état d'ébriété modéré, juste en dessous de la limite permise pour conduire, libérait certaines facultés mentales et aiderait même à résoudre plus facilement certains types de problèmes. Certains types, ouais, ça en crée d'autres. Hein. L'étude menée à l'Université de l'Illinois, dont le campus doit être assez joyeux d'entendre ça. consultez. Merci. Les articles de bord chez vous en ce moment me font tellement pas rire, ils mettent des blagues partout. L'étude menée à l'Université de l'Illinois consistait à demander à des hommes adultes de résoudre des puzzles après leur avoir fait boire 2 bières ou 2 verres de vin. Résultat, non seulement ils obtenaient 40% plus de bonnes réponses que les hommes totalement sobres, mais ils trouvaient aussi des solutions plus vite. Parce que l'alcool diminue la capacité de concentration, ce qui entraînerait une certaine augmentation de la créativité, puisque le cerveau est plus libre d'explorer des idées alternatives. Eh bien! Intéressant, c'est sur le Medical Daily. Je saute par-dessus quelques articles pour vous laisser aller lire ça sur assemblagerequis.com. On dit que 4% des enfants inscrits sur Facebook auraient 6 ans ou moins. 4% des enfants inscrits sur Facebook, c'est quelque chose. Windows 8 qui aura 3 versions, donc Windows 8, Windows 8 professionnel et Windows 8 RT qui est destiné aux plateformes sous architecture ARM qui donc ne concerne pas tant de gens que ça. Mais donc, ça veut dire quoi, la plateforme ARM? Attends un peu, je vais aller chercher ça. ARM. C'est les tablettes, non? Ben, attends un peu, je l'ai juste là. C'est là. ARM, blablabla. Utilisation personnelle. Ben, ça n'a pas l'air de le dire tant que ça. C'est pas super précis, cette affaire-là. Je sais pas. Non, je l'ai pas. Désolé. Je sais pas. Mais il y a un article sur Wikipédia, si ça vous intéresse. Donc, il y a trois versions seulement au lieu de 8 ou 10, là, comme il y en avait pour Windows 7 et Windows Vista. Trois-Rivières qui a été choisi par Foursquare. Il se retrouve au sein du palmarès très sélect des villes du monde qui ont un badge Foursquare. La cité de La Violette se retrouvera comme Tokyo, Paris et Istanbul référencées sur l'application de géolocalisation qui compte plus de 20 millions d'utilisateurs à travers le monde. Parmi les trois villes d'Amérique du Nord à avoir été choisies, Trois-Rivières est la seule du Canada. Donc, ils ont vraiment choisi Trois-Rivières au Canada. C'est bizarre, hein? C'est très, très, très bizarre. Comme, on dirait qu'ils sont comme pas tant renseignés sur les villes d'importance. Mais bon. Ça n'aurait pas été mon premier choix. Malgré que j'aime bien la ville de Trois-Rivières. Oui, exactement. Là, faut rien enlever, mais... On peut prendre ça comme un compliment. Montréal, c'est un peu plus grand. Ouais. T'sais. Québec. Québec. T'sais, au Canada, en général, t'sais, Ottawa. Toronto. Toronto. Vancouver. Il y en a plein, Trois-Rivières, mais bon. C'est pas grave. Les deux autres villes sont celles de Mexico au Mexique et de Kingston en Jamaïque. Pour trouver ces villes, Foursquare a lancé le concours en février dernier. Une liste de 50 lieux notoires de Trois-Rivières accompagnée de photos a été soumise à Foursquare. Le responsable du projet... Ah, ben c'est ça l'affaire. C'est le responsable du projet, Jean-François Potvin, qui avoue que la qualité des photographies fournies par Tourisme Trois-Rivières a fait la différence. Donc, il fallait soi-même s'inscrire. Il y a sûrement personne qui s'est inscrit parce que Foursquare, sérieux, ça sert à quoi? Pour vrai. Absolument à rien. Mais moi, je connais pas. Mais c'est une niaiserie, là. T'es là-dessus, puis tu te tags comme étant à Trois-Rivières en ce moment. Tu rentres dans une place, tu plug-in là, genre, tu te connectes, puis ça dit que t'es là. Ça sert absolument à rien. Personnellement, je trouve ça complètement ridicule. Mais ça fonctionne, ça a du succès. Et Trois-Rivières a vu un beau petit projet derrière ça, donc s'est dit « Hey, on va envoyer des belles photos prises par un photographe professionnel. » Puis, ben c'est ça, ça a marché, bravo. Tant mieux. Félicitations, ça vous enlève rien, hein? Bravo à tous ceux qui ont voulu faire ça. Mais à la limite, je pense pas que ça nous rajoute quelque chose. Non, ça nuit pas, ça rajoute rien, ça fait juste absolument rien. Mais rien. T'sais? Ça fait un article dans le Valise. C'est ça, c'est beau. Donc c'est ça, vous pouvez aller voir la description de qu'est-ce que c'est ce check-iner à quelque part. Quand t'entends « je vais me check-in », ben c'est ça, Foursquare. Mais... Grosse perte de temps, mon ami. Bon. Allons-y avec deux dernières nouvelles de jeux vidéo. Hein. On commence à prendre pas mal de temps. Le mois dernier, on avait parlé de la console Valve. Et tu m'avais demandé à quoi ça servirait d'avoir une console qui sert à jouer à des jeux PC mais sur ta TV. Hein. Ouais. Bon. Donc, une offre d'emploi qui a été diffusée par l'entreprise derrière la plateforme Steam. On donne plus de renseignements sur ce nouvel appareil. Sans pour autant confirmer le développement d'une nouvelle console. Le studio à la base de la série Half-Life a en effet ouvert un poste d'ingénieur en électronique pour travailler sur du matériel. Cet employé aura comme tâche de travailler avec l'équipe du matériel responsable de concevoir, de designer, hein, c'est un beau mot ça, designer, d'évaluer et de produire une nouvelle plateforme matérielle. On rappelle que le nouveau produit de Valve inclurait, selon les précédentes rumeurs, de la rétroaction biométrique dans les jeux vidéo. Même si rien n'a été confirmé à ce propos, plusieurs croient que ce nouveau matériel pourrait être équipé de cette technologie-là. Rétroaction biométrique, faudrait que je sache que ça veut dire pour vous en parler. Ouais. Il y a des termes comme ça qui nous insèrent dans les articles sans dire vraiment ce que c'est. C'est super. Alors, puis c'est ça, donc ce serait une console qui jouerait à des jeux de Steam. Steam étant une grande communauté de jeux vidéo, donc tu peux aller sur steampower.com, aller télécharger le petit logiciel et après ça acheter des jeux comme mettons Half-Life ou mettons des jeux rétro, des jeux récents. Et puis avec ça tu peux jouer en multijoueur avec d'autres personnes. Sans avoir la copie physique. Sans avoir de copie physique, c'est vraiment un jeu. C'est comme un genre de iTunes du jeu vidéo. OK. Si on veut, mais c'est que ça fonctionne bien. Ça fonctionne super bien, c'est extrêmement populaire. T'achètes des jeux là-dessus, toi? J'en ai déjà acheté, je te dirais pas que je joue régulièrement, là, mais des jeux qui sont disponibles là-dessus, qui étaient disponibles entre autres seulement sur Xbox en termes de console, qui n'étaient pas sur PS3, parce que j'ai une PS3 et une Wii, mais pas d'Xbox. Donc quand tu joues à des jeux exclusifs à Xbox, des fois ils vont être sur Steam. Donc c'est très bien. En ce moment, il y a 2 801 040 joueurs en ligne là. Qui jouent à Steam, donc c'est pas rien du tout. C'est une grosse affaire. Et donc, de pouvoir jouer à ça sur ta télé avec une vraie manette de jeu, un vrai clavier, une vraie souris, mais sur ta télé, ce serait la nouvelle console de Valve. Et finalement, le Canadien Brent Smith a réussi à brancher un vieux vélo stationnaire sur sa Super Nintendo pour jouer au premier Mario Kart en pédalant. Il a pu connecter son vieil appareil d'exercice à sa vieille console et les guidons servent à déterminer la direction du joueur et les pédales permettent d'accélérer. Il y a un bouton entre les deux guidons pour accélérer les armes. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, c'est sur assemblagerequis.com. Et on va y aller avec quelques petites galeries photos très rapidement. Comic-Con, tu connais la foire, la convention de geeks et d'émissions de télé, de films, de choses geeks. Ça a lieu depuis tellement longtemps, mais en 1980, on nous a posté une galerie photo de Comic-Con en 1980. Tu sais, Comic-Con, c'est là où les gens se déguisent. Là, il va y avoir des costumes de super-héros, les gens se déguisent en plein de choses. Okay. Donc en 1980... Il y a une galerie de c'est un nouveau Tumblr, encore une fois, on en parle tout le temps des Tumblr qu'on adore. Celui-là, c'est des photos de femmes, de vedettes, des célébrités féminines, mais on leur a ajouté des barbes. Tu sais, mettons, tu retrouves Angelina Jolie ou encore... Avec une barbe. Avec une barbe. Jennifer Aniston avec une barbe et des poils de chest aussi. Là. Ah. C'est extrêmement bien fait pour vrai. Le talent de Photoshop de ces personnes-là est là, c'est évident. Allez voir sur assemblagerequis.com. Et puis, tiens. Il y a quelqu'un sur Facebook. C'est vraiment assez triste quand même. C'est pas triste. Okay. Ils ont passé une photo. C'est un couple, OK? Amanda et un gars. Okay? Ils ont passé une photo. Deux dans leur salon. Ils trouvaient qu'il faisait froid. Fait qu'ils ont ouvert un barbecue. T'sais, dans leur salon? Ouais, puis là, ben, tu sais, ils disent... C'est une bonne idée. La fille a écrit sur Facebook, Amanda, deux points. Il faisait chaud, mais maintenant, ça sent le steak dans la maison. C'est cool. Puis là, ben, évidemment, sa tante, ou je sais pas trop quoi, dit « Dieu merci, Dieu, d'avoir sauvé nos enfants qui se sont fait asphyxier au monoxyde de je sais pas quoi. Comment, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » Tu sais, dans un barbecue, quand t'as de la... Ben, c'est du propane. Le gaz du propane, là, ouais. tu peux... avoir des problèmes de santé. Oui, j'imagine, mais surtout à l'intérieur, c'est dangereux pour le feu. Là. Exact, mais c'est ça, ils sont à l'hôpital. Peut-être pas en ce moment, mais ils sont allés à l'hôpital. Oh, fait que c'est juste ça, fait ça. Anecdote ça, Facebook. Ça vole haut. Ça vole très haut. Et une vidéo qui vous montre, lors d'un match d'un sport quelconque, un gars qui essaie de se mettre des gouttes d'eau dans les yeux, mais qui a oublié d'enlever ses lunettes de soleil. Il se met des gouttes dans les yeux, clac, clac. Oups, attention, mes lunettes de soleil, il enlève ça. Puis, donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Boy. C'est chic, hein? Je vous en trouve des affaires chic. Moi, j'aime ça, c'est le fun. Alors, on écoute du chiptune pour terminer avec Pancake Department. Oui, Pancake Department, c'est le nom de la pièce. Voici l'artiste Fear of Dark au 89.1 FM. C'est fou. We'll be right back. tech.com. Après la pause, les chroniques de mercredi et jeudi à CNX.zip. CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Vous êtes toujours à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'Assemblage Requis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balado-diffusion sur assemblagerequis.com. Mercredi. Collègue CNX, c'est ce mercredi matin, donc on va parler de quelques affaires qui sont passées depuis hier mardi. Allons-y avec des avancées technologiques. Hein? Tu sais, du papier, là, c'est trop facile à mouiller, ça. Trop facile à mouiller. Les chercheurs italiens ont élaboré un processus nanotechnologique qui permet de rendre le papier résistant à l'eau. Et magnétique aussi, pour tant qu'à faire. Pourquoi pas le rendre magnétique aussi. Et antibactérien aussi, parce que bon, ça peut toujours servir d'être propre. Ouais. Hein? Et aussi luminescent. Hein? Tabarouette, qu'est-ce qu'il fait pour? On essaie d'aller trop loin. Le processus développé à l'Institut italien de la technologie à Gênes consiste à former un polymère à partir des molécules qui composent le papier et des nanoparticules qui lui permettent d'acquérir les propriétés étranges de son choix. Bon. Ce polymère produit en solution est ensuite appliqué à une feuille de papier, de sorte qu'il enrobe chacune de ses fibres. Donc, selon les créateurs, ce nouveau papier a toutes les propriétés d'un papier ordinaire. Donc, on peut écrire sur le papier, le plier, etc. Et aussi des talents qu'on a mentionnés plus tôt. Impressionnant. Mieux encore, il semble que la méthode puisse s'appliquer à certains tissus et même aux produits finis comme les livres déjà imprimés et auxquels on voudrait attribuer des propriétés particulières comme par exemple celle de briller dans le noir. Okay. Comme dans Twilight, briller au soleil, on pourrait avoir ça sûrement. Ouais, c'est cool. C'est super cool. Maintenant, un algorithme qui trouve les fausses opinions dans les critiques sur le web. Okay. Les groupes de spammers qui tentent d'orienter artificiellement les évaluations de produits et de commerce en ligne peuvent maintenant être identifiés de façon automatisée. Ce sont les modérateurs de sites de critiques publiés par les utilisateurs qui vont être contents au lieu de vérifier chaque commentaire l'un après l'autre pour pouvoir pour trouver les messages frauduleux. Une formule mathématique pour exécuter cette tâche fastidieuse à leur place. Les chercheurs de l'Université de l'Illinois, oui, aidés de Google Faculty Research Award, donc ça c'est un prix qu'ils ont gagné, ils ont créé l'algorithme GS Rank pour Group Spam Rank qui traque les groupes organisés qui spamment les critiques pour encenser ou descendre délibérément un produit ou un service. Si t'arrives sur Amazon.com, tu vas voir les critiques des gens, tout a l'air positif, c'est donc beau, mais tu te rends compte finalement qu'il y en a peut-être que c'est la compagnie elle-même qui est allée poster ça. Ouais. Ça peut arriver. On nous explique pourquoi, quels facteurs définissent le comportement type de ces groupes, les rendant aisément discernables par une machine. L'écart de temps entre la publication des critiques d'un même groupe. Ça, c'est évident, s'il écrit plusieurs critiques sur différents produits de la compagnie, c'est du copier-coller, ça se fait tout seul. Leurs notes d'évaluation sont semblables, donc ils donnent des 5 partout, ou donnent des 1 partout. Divergent de celles qui sont authentiques. Donc, 95% du monde disent que c'est négatif. Eux, ils vont avoir le 5% de positif. C'est tout le temps 5 sur 5 sur tous les produits. C'est facile à comprendre. La taille du groupe et le fait qu'un même groupe d'individus commande plusieurs produits et services différents. Donc, c'est sûr que tu peux pas acheter toi-même. Mettons, toi, un client, tu ne vas pas acheter des écouteurs Shure, tu ne vas pas en acheter 12. Non, non. Tu vas en acheter une. Ouais. Mettons. Puis, elle va casser ouais. sur tes oreilles pendant l'émission. Ce matin. Exemple. Exemple. GS Rank se fie donc sur ces données avec des résultats exceptionnels. Les informaticiens concluent leur recherche de cette façon. Je cite, GS Rank a surpassé de façon significative les algorithmes les plus récents de classement, de régression et d'ordonnance supervisée. Donc, bonne idée, j'approuve. Maintenant, énergie sale. Énergie sale? Amazon, Apple et Microsoft sont montrés du doigt par rapport à leur utilisation de l'énergie sale. Ils ont largement recours aux énergies sales pour leurs services dématérialisés, comme le stockage de données en ligne, a affirmé Greenpeace. Qui a donné de bons points, par contre, à Facebook, Google et Yahoo. Parlons-en. L'organisation écologique a publié un rapport dans lequel elle note les comportements des géants des technologies dans la gestion de l'informatique cloud computing, donc dans le nuage. Ces services permettant aux internautes de stocker leurs fichiers en ligne, évidemment. Si ces données ne sont plus stockées sur les ordinateurs ou les téléphones intelligents des gens, elles le sont dans des data centers, des centres de données, qui abritent des milliers d'ordinateurs qui stockent et gèrent toutes les données prêtes à être consommées que nous accumulons, évidemment. Or, ces centres de données consomment une très grande quantité d'électricité, l'équivalent d'environ 250 000 foyers pour certains d'entre eux. Amazon, Apple et Microsoft, trois entreprises américaines, n'accordent pas suffisamment d'attention à la provenance de l'électricité qu'elles consomment et continuent d'avoir largement recours aux énergies sales pour alimenter. Il ne s'agit pas de clouer ces entreprises au pilori, nous essayons de les pousser dans la bonne direction, a expliqué un responsable de chez Greenpeace. Il dit « On adore nos iPhones, ils nous facilitent la vie, mais ils ne doivent pas rendre les choses plus difficiles pour la planète. » C'est quand même pas faux. Ouais. Yahoo et Google qui continuent en revanche de montrer l'exemple, tandis que Facebook est désormais l'ami des énergies renouvelables, selon le rapport. Le réseau social a fait le premier pas dans la bonne direction avec la construction d'un centre de données en Suède pouvant être entièrement alimenté par des énergies renouvelables. Ah ouais. Peut-être que ça coûte plus cher, mais en même temps, ça sauve la planète peut-être. Ou en tout cas, ouais, c'est sûr. Puis à la longue, j'imagine, écoute, ça doit être rentable. Ben j'imagine. Parce qu'il y a de courant, d'eau, tu consommes moins. Là. C'est ça. Tout le monde gagne dans ces affaires-là, c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, parlons des parents canadiens qui admettent fouiner sur la page Facebook de leurs enfants. Oh! Est-ce que tu fouines sur la page Facebook de ton gars qui a quoi, un an et demi? Pas encore. Non. Écoute, il y en a pas. Quel âge, 2 ans? Il y en a pas. Un an et demi. Hey, je suis tombé dessus. Oh! Plus de la moitié des parents canadiens questionnés au fin d'une étude sur la sécurité en ligne admettent avoir espionné le compte Facebook de leur adolescent. À l'échelle mondiale, ce sont 44% des parents qui avouent s'être rendus coupables d'une telle intrusion, selon l'enquête menée dans 11 pays par la firme de sécurité AVG. Les parents canadiens sont toutefois moins susceptibles d'espionner leurs adolescents que leurs homologues des États-Unis et d'Espagne, où 61% des parents reconnaissent avoir posé un tel geste. Dans les pays étudiés, les mères sont plus susceptibles que les pères. Ça, je pense qu'on s'attendait à ça. Ouais. Environ 49% des mères se sont reconnues coupables contre 39% des pères et une bonne partie de ces gens-là qui sont dans l'autre bord mentent. Les parents canadiens arrivent au deuxième rang mondial quand vient le temps d'être amis avec leurs jeunes sur Facebook. Environ 66% ont dit que leurs adolescents avaient accepté une demande d'amitié contre 72% aux États-Unis et seulement 32% en France et 10% au Japon. Et là, les données continuent avec d'autres pays. Allez voir le reste des chiffres sur assemblagerequis.com ou allez-y pas. Parce que ça marche pas aujourd'hui. Ouais. IKEA va vendre des télés. Oh. Oui, IKEA commercialisera en avant-première dès juin prochain dans 5 magasins d'Europe des téléviseurs fournis par le chinois TCL Multimédia. Le public devra les acquérir dans le cadre de l'achat d'un ensemble pour le salon de la gamme Besta. Donc, tu pourras pas acheter le télé à part. Là. Exactement, ça va être avec l'ensemble de salon. Okay. Trois modèles de télé connectés arriveront chez l'enseigne d'ameublement suédoise avant l'été, en avant-première dans 5 magasins en Europe. Dès octobre, tous les magasins de France, Suède, Italie, Pologne, Danemark, Norvège, Espagne et Portugal ajouteront ces nouveaux produits à leur catalogue. On ne parle pas encore du Canada. Selon IKEA, cette nouvelle offre ambitionne de compléter les solutions d'aménagement proposées pour le salon. À l'image des appareils électroménagers vendus par IKEA, ces téléviseurs ne seront pas commercialisés séparément, mais proposés systématiquement dans la gamme Besta. Cette dernière devrait par ailleurs être développée pour proposer des cinémas maison intégrés ou des barres de son. Donc au moins, tu aurais quand même un minimum sûrement de qualité. Minimum. Ouais. Très, très minimum. Ça va être dévoilé avec les prix le 26 avril. Maintenant, okay. Consulter ses courriels professionnels hors du bureau, c'est devenu la norme, François. Ben, je le fais. Ben, c'est ça, hein? Tu dois pas être le seul. Non, ça, j'imagine. La technologie influence de plus en plus les habitudes des travailleurs américains. C'est ce qui ressort d'une étude récente réalisée par l'agence de marketing Giro et Forbes Insights. Selon l'étude réalisée auprès de 543 dirigeants d'entreprise, 98% des répondants ont affirmé consulter leur courriel professionnel lorsqu'ils ne sont pas au bureau, en soirée et la fin de semaine. Ils sont même 63% à consulter ces courriels périodiquement toutes les heures ou aux 2 heures. Mais quoi que de nos jours, avec les iPhones et les autres appareils qui pushent les courriels, la technologie du push, aussi que tu as un nouveau courriel, ça t'avertit sur ton iPhone. Tu n'as pas besoin d'aller volontairement chercher tes courriels. Ça doit pas aider à déstresser, mettons. Non, c'est sûr. Vraiment. Non, faut que tu saches faire la part des choses. Tu le fermes au pire ou... Exact, déconnecte-toi. Ben, à un moment donné, c'est parce que sinon tu vas être fou, là. Ouais. On dit que la plupart des répondants aiment bien avoir accès à leur courriel lorsqu'ils sont en congé, et ce même si le temps consacré aux loisirs diminue. Ils aiment ça, eux autres. Il y a des bourreaux de travail en vie. Lorsqu'ils sont en vacances, seulement 3% des dirigeants affirment ne jamais consulter les courriels du travail. Néanmoins, ils sont combien? 3%? 3%. Ils ne font pas. Ils sont également 98% à affirmer qu'ils gèrent des affaires personnelles lorsqu'ils sont au travail. Tu vois, de l'autre côté, 98% font des choses personnelles au travail. Ça non plus, c'est pas surprenant. En même temps, tu as droit à tes pauses, tu as droit à ton heure de dîner. Tu as le droit, tu sais. Ouais, tout à fait. Pas charrier. Tu sais, je peux comprendre que chez vous, exemple, tu n'avais pas d'imprimante. Ouais. Oui, tout à fait. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver, c'est ça, pas exactement. Pas qu'ils sendent d'encre qui vont ruiner la compagnie. Mais si tout le monde le fait... Non, c'est ça. Puis en même temps, tu fais pas imprimer un livre, là. Non, ben non. J'espère que non. Les répondants semblent être capables de séparer le temps où ils travaillent du temps personnel, puisqu'ils sont 15% à avoir affirmé qu'ils ne sont jamais capables d'y arriver ou rarement. Plus de 2 répondants sur 5 se disent que la technologie a accéléré le démantèlement des barrières entre le travail et le temps consacré aux affaires personnelles. On dit que 67% des répondants environ ont affirmé que les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn jouent un rôle significatif dans les affaires, et 56% ont dit que les réseaux comme Facebook, donc plus personnels, vont influencer leur détermination au travail. C'est une méthode de motivation aussi, tu sais. Oh, ouais. Ça doit être ton 5 minutes de Facebook, là. Ouais. Donne envie de travailler pour le mériter, hein, mettons. Jusqu'à la prochaine pause. C'est comme les gens qui travaillent pour leur prochain chèque de paye, il y en a qui travaillent pour leur prochaine pause. Ouais, ça, écoute, les raisons sont multiples. Et ouais. Le service de stockage dans le nuage de Google sera lancé la semaine prochaine. On en reparle. Il y avait des rumeurs. Ça se développe encore plus. Donc, le lancement du service de stockage de données en ligne de Google Drive devrait avoir lieu au milieu de la semaine prochaine sur les plateformes les plus populaires. Service info nuagique, qu'on appelle en français, qui permet d'héberger gratuitement des fichiers en ligne jusqu'à 5 gigs. Donc, on vous tient au courant, mais ça s'en vient selon le Next Web. Pourquoi Drive? On sait pas. Google Drive comme un genre de lecteur. C'est le drive, USB Drive, DVD Drive, okay. Genre de choses. C'est pas super cute, là. C'est pas aussi beau que Dropbox, mettons. Ouais. Dropbox, c'est une boîte que tu tapes tes affaires dedans. Tu les fous dedans. Ça, le service de Google, c'est comme l'iCloud, en fait, j'imagine. Semblable à ça. iCloud, SkyDrive de Microsoft avec Hotmail. Il y a des gens qui envoient des liens par SkyDrive. Donc, non, ça devient de plus en plus populaire et je suis bien content de le voir parce que ça, c'est des services qu'on, tu sais, nous, les geeks ou les gens dans le domaine de l'informatique, on utilise ça depuis des années, ces affaires-là, les Dropbox, etc. Et là, ça devient grand public, là. C'est là que ça se passe. Ben, plus besoin de clé USB. Mais non, c'est fatigant de traîner une clé USB. Puis quand tu enregistres ton fichier sur ton Dropbox, il se synchronise à chaque heure, mettons, à chaque fois que tu fais un changement, t'as plus besoin de penser à rien. Sauvegarde, c'est fait. OK. Tu l'enregistres dans ton dossier Dropbox, parce que l'idée de Dropbox, là, évidemment, on parle de Dropbox alors que c'est un article sur Google Drive, mais l'idée est la même. C'est que Dropbox, c'est un dossier sur ton ordinateur qui est synchronisé avec le nuage, avec le web. Et les changements que tu fais d'un bord vont de l'autre automatiquement. Que. Okay. Donc, si tu mets ton fichier de thèse ou peu importe dans ton dossier Dropbox, tu l'enregistres là à la base, il va tout le temps être synchronisé. Tout le temps. Que ce soit chez vous, au bureau. Donc, quand tu vas arriver à la maison sur un autre ordinateur, tu as travaillé à l'université, mettons. Ouais, je sais pas si ça marche à l'université de Dropbox, là, je parle à travers mon chapeau. Mais à deux places, au bureau, à la maison, le fichier est pareil, dehors. Okay. C'est magique. C'est cool, ça. Et finalement, un Américain sur cinq, nous dit-on, n'utilise pas Internet du tout. Ouais. Un adulte américain sur cinq. C'est beaucoup. Ouais. Selon le Pew Research Center et leur sondage Digital Differences, près de 50% des répondants ont affirmé n'être tout simplement pas intéressés par les courriels, les réseaux sociaux et Internet de manière générale. La majorité d'entre eux n'ont jamais utilisé Internet et personne dans leur ménage ne l'utilise. Le fait de ne pas posséder d'ordinateur, leur coût trop élevé et les difficultés liées à leur utilisation ont également été évoquées par les répondants pour justifier qu'ils n'utilisent pas Internet. Trop compliqué. Parmi les répondants qui ont affirmé ne pas se servir d'Internet, 20% ont affirmé qu'ils connaissaient assez bien la technologie pour en user par eux-mêmes, disons ailleurs s'ils étaient obligés, et 10% ont affirmé être intéressés par l'utilisation future, donc ouverts à l'idée d'en avoir un. Les adultes n'ayant pas complété leur secondaire, ceux qui gagnent moins de 30 000 $ par année, ceux qui ont comme espagnol, comme langue maternelle l'espagnol, c'est mieux dit comme ça, sont les plus susceptibles de ne pas utiliser Internet. L'étude a été réalisée à l'été dernier par téléphone, en anglais et en espagnol, auprès de 2260 personnes, des adultes américains. Donc quand même assez représentatif. 5% des gens qui ne vont pas sur Internet. Quelques petites affaires que j'ai vues sur Internet qui m'ont intrigué ce matin. Pour commencer, des portraits de gens. Okay, on s'imagine des portraits de gens, ouais. Mais créés à partir de personnes dans une foule. T'sais, donc, on a pris, mettons, une plage, je sais pas, ça ressemble à du sable, ce qu'il y a en arrière, et on a amené des, j'imagine, centaines ou sinon milliers de gens sur la plage pour leur faire la face de quelqu'un. Tu comprends? Okay. En les plaçant de loin, tu regardes ça de loin, ça a l'air comme des fourmis, tu sais. Donc, t'as, disons, j'ai de la misère à reconnaître les gens. Est-ce que c'est Paris Hilton, je crois, peut-être? Est-ce que c'est... Ça va avoir Barack Obama? Je sais pas s'il y a Barack Obama. Il y a Marilyn Monroe. OK. Ouais, la Statue de la Liberté. Mais c'est très, très réussi, c'est très bien fait. Tellement bien fait que je me demande si c'est pas des personnes, oui, tout à fait, mais qui ont été placées comme ça sur ordinateur avec Photoshop. Genre. Mais c'est très bien fait. Je l'accuse pas de rien, c'est l'artiste Craig Allen. Je trouve que c'est un gars très honnête. Il a sûrement fait ça avec des vrais gens, mais je trouve que c'est beaucoup de gens. Okay. Surtout la Statue de la Liberté. Ouais, évidemment, je te dirais bien d'aller voir sur assemblagerequis.com. À la place, ce que je vais te dire, c'est de chercher sur... je vais aller les mettre sur Facebook tantôt. Ok, je vais faire ça. Génial. Je vais faire ça après la chronique, ça va être plus simple pour tout le monde, je pense. Une fille, très jolie jeune fille d'origine asiatique. Je dis ça parce que c'est important dans la nouvelle, sinon c'est quelque chose que tu mentionnes pas nécessairement. Ça définit pas la personne, comme on sait tous. Mais c'est qu'elle, elle se dessine, elle se maquille les yeux, la bouche, la face tout au complet pour devenir d'autres personnes. Elle est très, très, très bonne. Elle s'est déguisée en, tu sais, les bestioles dans Avatar, là. Ouais. Tu sais, la grande dame bleue. Mm-hmm. Sérieusement, c'est extrêmement réussi. La fille est déjà sexy au départ. Très, très sexy en Avatar. Vraiment, tu sais, ça vaut la peine. Elle se déguise en Drake, tu sais, le rappeur, là, de Degrassi, le Drake, là. OK, je le connais pas, mais... En tout cas, elle se déguise en Drake, un gars noir, OK, avec les cheveux très, très courts et, tu sais, etc., plein de caractéristiques faciales, et réussit à reproduire ça pour avoir l'air de Drake. C'est quand même pas pire. Angelina Jolie, particulièrement réussie, sérieusement, c'est presque à s'y méprendre. Kate Middleton, Kim Kardashian, bon, ça, hein, quand même. Lady Gaga, OK, et il y en a quelques autres. Megan Fox, entre autres. Sérieusement, Megan Fox, pour vrai, tu penses vraiment que c'est Megan Fox, mais... Version un petit peu asiatique, évidemment, parce qu'il y a des choses difficiles à cacher dans la vie. Mais sérieusement, elle est vraiment très, très réussie. La fille n'est pas réussie. La fille est réussie. Bravo à ses parents, pour commencer. Mais ce qu'elle fait est aussi très, très réussie. Des sculptures de carton, maintenant. C'est l'artiste Chris Gilmore qui crée des sculptures étonnantes avec du carton et de la colle. Donc, je sais pas s'il y avait un professeur d'art plastique particulièrement talentueuse en enseignement. Mais c'est vraiment très, très beau. Des chevaux, des dragons, une chaise roulante en carton. C'est magnifique. Il y a deux, une nouvelle qui a rapport au Titanic. Tu sais, sur le Titanic, les gens disent la planche de bois sur laquelle Rose s'en va pour survivre et qui laisse le gars, Leonardo DiCaprio, derrière à mourir. Là. Tu te rappelles à la fin du film? Oui. Bon. Ben, tout le monde dit depuis la sortie du film que deux personnes peuvent facilement entrer sur cette planche-là. Donc, il y a deux personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont... Ils ont pris, ben, par rapport à la grandeur de Kate Winslet, etc., ils ont réussi à déterminer la largeur et la hauteur de la planche. Ils l'ont mis en ruban, en papier collant, par terre. Ils nous montrent physiquement que c'est très, très possible d'avoir deux personnes. Donc, soit, là, ils ont recréé la scène telle qu'elle était dans le film. Donc, la fille couchée sur la planche et le gars qui met sa main. Ils ont essayé de se mettre pied à tête. Ils ont essayé de se mettre les deux un par-dessus l'autre. Ça fonctionne très bien. Ils ont essayé de jouer au solitaire tellement qu'il y a de la place. Ils sont mis en petit bonhomme, genre. Puis ils commencent à jouer au solitaire. Et ils se mettent pose super jet set glamour, genre comme sur la plage, là, avec des lunettes de soleil et à côté sur le sable. Donc tout ça, et ça rentre très bien dans la planche de bois à la fin de Titanic. Donc la fin n'est pas crédible de ce film-là. Bon, c'est dit, c'est pas crédible. Vous allez voir les photos. Il y a aussi une artiste, je ne me rappelle pas de son nom, mais c'est pas grave, qui a décidé de recréer des pages couvertures de bande dessinée Archie, mais à l'inverse. Si Archie était une fille, et si Betty et Véronica étaient des gars. Okay. Donc, elle a dessiné, et elle dessine vraiment très bien, une très très jolie Archie-fille rousse. Entouré de Betty et Véronica sur une couverture. C'est très, très, très bien fait. Et on voit dans le coin de la page, mettant en vedette Sabrina, parce que je sais pas si tu te rappelles que dans les bandes dessinées Archie, Sabrina l'apprentie sorcière était dedans. Et donc, c'est elle qui, j'imagine, lance le sort au personnage. Donc, c'est super bien fait. Il y a deux... Est-ce qu'il y a une ou deux couvertures, en tout cas? L'histoire est par Tania Del Rio et les dessins par Giselle. Deux couvertures, exactement. Allez voir ça sur Facebook tantôt, sur la page d'Assemblage Requis. Et on se quitte avec... Pas du chiptune aujourd'hui, François. Non? Non, on se quitte avec un extrait que je devais vous faire entendre. Parce que c'est tellement... Mais tellement... Je te fais entendre ça. Puis tu me diras, c'est la prochaine sensation. Tu sais, sur YouTube, là, c'est la nouvelle mode, là, ben, depuis peut-être 2 ans et quelques, d'engager des compagnies de production de musique commerciale poche pour devenir vedette. Tu sais, tout le monde veut devenir vedette. Hein? Des petites filles qui disent « Ah, oh, moi, je sais chanter! » Puis ils font des vidéoclips super bien produits. Ouais. Et vous allez voir... Bon, ça sonne. Vous verrez pas la vidéo, sauf en allant sur Facebook, mais écoutez bien cet extrait-là. C'est quelque chose. On l'écoutera pas au complet. Ça commence très mal. Wow, ouais, wow. C'est ça. Look at me and tell me the truth. Non, what do you do when people don't know what we go through? C'est sur auto-tune, mais c'est même pas sa note. But they don't know I have a really big piece. Don't get me wrong, I know that I'm hot. But textbook perfection really takes a lot. Weird guys call my phone. Mais c'est bien produit, là. Ben, c'est ça, en tout cas, le vidéo... C'est très beau. Ok. C'est insupportable. S'il vous plaît. Mais j'adore ça quand c'est insupportable. Hey, c'est incroyable. Ah, wow. Là, on a dû payer ça une fortune. Mais ça, c'est les parents de, des enfants qui paient la compagnie de production. Et pour, mettons, 10 000 $ quelque chose du genre, pour produire un vidéoclip super bien, ils vont amener les filles, ils vont les faire chanter dans un micro, tout ça, tout bien professionnel. Après ça, il y a juste ça par autotune pour essayer d'amener les notes le plus proche possible. Mais quand la note est très, très, très, très, très loin, la machine peut pas faire des miracles, là. Hein? Fait que ça donne ça. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et... non, mais tu sais, à un moment donné, je sais pas, tu dois dire, écoute. Okay, mais ils refusent personne. Non, non, mais c'est sûr, ça doit être extrêmement payant. Il y a même la compagnie qui s'occupe. Ok, il y a un message sur la page YouTube, ok? Old Bailey Productions ne prend pas le crédit de l'audio produite dans cette vidéo. Nous avons simplement produit le vidéoclip avec le clip son qui nous a été fourni par la compagnie de son. Tu sais, quand la compagnie qui a fait la vidéo se dit ceci. Oh, ouais, non, c'est sûr. Ben, sinon, écoute. On peut discréditer assez rapidement comme compagnie. Là. En effet. Alors, c'est tout pour la collection CNX d'aujourd'hui, François. Pas plus de choses que ça. Parfait. On fera le reste demain, peut-être, on verra. Bon. Génial. Cool. dash.com Dernière chronique de la semaine, en ce jeudi matin, donc on va faire les nouvelles depuis hier, mercredi. Allons-y avec des rayons X sur téléphone cellulaire. OK. Une équipe de chercheurs de l'Université du Texas à Dallas a développé une puce qui permettrait au téléphone cellulaire de voir à travers les murs. Hein? Ça serait possible grâce à deux percées technologiques. Oui, ça a l'air bizarre, hein? Ouais, ouais, vraiment. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué quand même. Tout d'abord, ils vont être capables de capter les signaux de la bande de térahertz du spectre électromagnétique pour voir à travers certains corps. Ce spectre comprend les lumières infrarouges et les micro-ondes, entre autres. Ensuite, ils utilisent une nouvelle génération de puces dites semi-conductrices complémentaires de métal oxyde, qui font en sorte que la technologie pour percevoir cette longueur d'onde spécifique est beaucoup plus petite et reproductible sur une grande échelle. D'accord? Je cite, la combinaison de ces puces et des térahertz signifie qu'il est possible de placer cette technologie sur le dos d'un téléphone cellulaire, le transformant ainsi en outil de poche qui vous permet de voir à travers les objets. Okay. Considérant les implications possibles pour la vie privée dans le cadre d'une éventuelle exploitation commerciale, l'équipe souhaite développer un produit dont la portée serait minime, soit de 4 pouces. Ça permettrait, par exemple, à des commerçants de détecter de faux billets. Ça pourrait avoir de bonnes applications, donc. Ils estiment aussi que leur puce pourrait engendrer des avancées médicales en détectant des tumeurs. Pourquoi pas? Tant mieux. On comprend pas comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça, exactement. Il y a un billet de banque, en fait, un fou. Ouais, c'est ça, je comprends pas en fait le lien, mais eh bien. Tant mieux. Est-ce qu'on voit des images? Non, il n'y a pas d'images, malheureusement. Ça va bien. C'est selon The Verge et Fizz.org. C'est selon La Verge. Hein? Selon La Verge. La Verge dit toujours Mathieu la vérité. Mon deuxième nom, ça. D'ailleurs. Restons dans le domaine de voir au travers des choses. On s'en va à Séoul, qui est en guerre contre les portables voyeurs. Okay. La Corée du Sud veut en finir avec les voyeurs qui s'invitent sous les jupes des filles au moyen d'une application caméra silencieuse sur leur téléphone portable. Des discussions sont en cours entre les autorités et les fabricants de téléphones afin de circonvenir les consommateurs amateurs de dessous chics et de petits clics sur les appareils photos. Dans ce pays où la plupart des écolières portent des jupes ou des kilts. Okay. Je cite, nous avons récemment lancé des discussions avec les sociétés comme Samsung, LG, Google et Apple pour savoir s'il est techniquement possible de désactiver ces applications sur leur appareil. La loi stipule que le téléphone portable doit produire un son lorsqu'il prend une photo, mais elle ne s'applique pas aux concepteurs d'applications et des dizaines d'offres de caméras muettes existent sur le marché. Donc l'appareil en tant que tel, l'iPhone, mettons par défaut, l'appareil photo normal du iPhone, supposé faire un son même si c'était sur mute, alors qu'une application téléchargée à l'externe sur l'App Store n'est pas obligée de la mettre. N'est pas obligé de mettre ça. Et je trouve ça un peu stupide parce que tu peux filmer et ça fait pas de son. Ouais, c'est ça. Puis c'est bien plus excitant quand ça bouge. Ben non, mais. En tout cas, ça, tu voulais dire? Ben non, mais tu sais, c'est. Ben oui. Ben, je trouve ça bizarre. Ouais, en effet. En juin, un homme d'une trentaine d'années a été arrêté à Guimahé, dans le sud-est du pays, pour avoir pris quelques 500 clichés sur des jupes en utilisant une fonction de ce type. La Corée du Sud compte près de 25 millions d'utilisateurs de téléphones multimédia pour 50 millions d'habitants. Maintenant, parlons de Facebook. Un Français pourra saisir la justice contre Facebook. La justice française vient de se déclarer compétente pour recevoir la plainte d'un internaute français dont le compte Facebook a été supprimé. Cet ancien utilisateur va donc pouvoir attaquer le réseau social devant un tribunal français. Un internaute accuse Facebook d'avoir fermé son compte sans raison apparente. Après une première décision de justice en sa défaveur devant les instances du premier degré, ce Français a décidé de faire appel de ce jugement. La cour d'appel de Pau s'est alors déclarée compétente au motif que la clause mentionnée par le réseau social a été jugée incompréhensible. Selon les magistrats dont le propos est repris par le Figaro, la clause attributive de compétence à une juridiction des États-Unis, c'est-à-dire est noyée dans de très nombreuses dispositions dont aucune n'est numérotée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? OK. Donc, un autre utilisateur du réseau avait attaqué la plateforme après que son compte ait été suspendu. À l'époque, Facebook avait motivé son choix en expliquant que cet internaute français avait publié une représentation du tableau du peintre Gustave Courbet représentant le sexe d'une femme. Dans ce cas-là, la justice avait déclaré que le tribunal de Santa Clara en Californie était compétent pour contester toute décision de Facebook. Malgré tout, l'avocat du plaignant estimait que la justice française pouvait se déclarer compétente pour traiter de cette affaire. Avec ce nouveau cas, les tribunaux du territoire pourraient donc être capables de traiter des cas similaires. Donc, ça veut dire que ça va créer un précédent et ils vont pouvoir le faire dans le futur. Bon, d'accord. On va faire comme si on comprenait tout. Ah oui, okay, bon, genre. Google Earth qui démocratise deux nouvelles méthodes pour récupérer des prises de vue à moindre coût à travers le monde. Ça va être bizarre, ça va être avec des cerfs-volants et des ballons à l'hélium. Ah ouais? Ouais, donc le service de Google exploite désormais activement les cerfs-volants et les ballons gonflés à l'hélium et appelle les bricoleurs à participer. Google Earth et les cerfs-volants, c'est pas une première. On avait parlé de ça en octobre 2010, tu vois, je m'en rappelais pas. Le service expérimentait déjà le principe par l'intermédiaire d'un Américain en plein tour du monde qui capturait les images à quelques centaines de pieds au-dessus du sol. Pour ce faire, donc, l'entreprise... ils vont essayer de rendre ça disponible pour plus de personnes. L'entreprise a travaillé avec les chercheurs du Public Laboratory for Open Technology and Science pour mettre au point deux kits, l'un contenant un cerf-volant et l'autre un ballon à l'hélium. Dans les deux cas, une liste d'éléments à utiliser est proposée, permettant aux bricoleurs de concevoir eux-mêmes les appareils. On note que on propose un kit ballon à 85$. Il faut ajouter à l'ensemble un appareil photo numérique de qualité. Que les photos soient utilisables, il faut de la grosse définition, plein de mégapixels. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ça va vous coûter cher pour aider Google. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, tu sais, il faut que tu saches que tu vises, dans le sens ouais, où... c'est ça, exact. Et puis... S'ils vendent... Je sais pas, il me semble... À moins que je me trompe, là, j'espère que Google va finir par payer ces gens-là qui les aident dans leur service, non? Sûrement. S'il faut que tu payes le kit de ballon toi-même... C'est un peu bizarre. L'intérêt de tel projet, outre l'aspect purement participatif, est d'apporter de nouvelles images plus précises que celles proposées par les satellites, car elles sont réalisées plus près du sol. Même si elles sont forcément plus restreintes, la surface à couvrir étant parfois compliquée à étendre selon la méthode choisie. Google Earth a récemment intégré des images réalisées par le Public Laboratory. Elles sont accessibles via un fichier que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Et puis, c'est ça. C'est tout. C'est quelque chose. Maintenant, publier des photos des Jeux olympiques sur Facebook sera interdit. Non, oui. Ouais, ceux qui assisteront aux compétitions des Jeux olympiques de Londres devront penser avant de publier une photo sur Facebook puisque ce geste sera passible d'une poursuite, selon The Guardian. Les règles entourant la protection de la marque Jeux olympiques et des commanditaires officiels en font jaser plus d'un. Ces règles visent non seulement les participants, mais également les athlètes et les entreprises. Donc, même les gens qui participent aux Jeux pourront pas en poster. Ça, par contre, j'aime pas ça. Non, c'est bizarre. Alors qu'il semble presque impossible qu'une police de la marque puisse retrouver tous ceux qui ont publié une photo interdite sur Facebook, en effet, c'est difficilement renforçable. Un spécialiste du marketing dans un cabinet d'avocats qui aide les entreprises à s'assurer de ne pas violer les règles a affirmé au quotidien britannique, je cite, « Si l'on fait une lecture très précise des termes et des conditions, le Comité international olympique pourrait s'arranger pour que vous ne puissiez pas publier des photos sur Facebook. Je crois que ce que le CIO essaie de faire est d'éviter toute forme d'exploitation commerciale de ces photos. On veut pas que, ils veulent pas que les gens fassent de l'argent là-dessus. En même temps, en passant des photos sur Facebook, toi, tu fais pas d'argent. Non, tu fais pas d'argent du tout. Les propriétaires d'entreprises ne pourront pas utiliser la nomenclature officielle des Jeux olympiques. On n'aura pas le droit de dire « Jeux 2012 » dans les publicités ou même donner des billets pour les Jeux olympiques dans le cadre de concours ou de promotion. Les athlètes ne devront pas publier des photos d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux avec des produits qui ne sont pas les produits officiels des Jeux olympiques. Il leur sera aussi interdit de partager des photos ou des vidéos de l'intérieur du village des athlètes et la même règle s'applique pour la publication de contenu audiovisuel de compétition puisque ça contreviendrait aux droits des diffuseurs, ceux qui vont diffuser les jeux à la télé et en ligne. Les gens sont invités à dénoncer d'autres gens. Hein, ils veulent qu'on fasse les stools sur olympicgamesmonitoring.com, un site web accessible uniquement aux personnes autorisées. Eh ben, je sais pas. Okay. Bizarre. Avec quoi est-ce que j'y vais? Je vais y aller en jeu vidéo un petit peu, tiens. Le site Amazon a probablement commis une erreur en publiant la fiche du jeu God of War Ascension et qui n'a pas encore été annoncé par Sony. En plus de dévoiler la première bande-annonce sans avoir demandé à Sony. C'est un secret mal caché, quand même, on dit un secret de polichinelle, mais un nouvel opus des aventures de Kratos de God of War sera en développement sur la PS3. Tout porte à croire que cet épisode sera un prologue qui se déroulera avant les événements de Ghost of Sparta, au cours duquel Kratos a tenté de sauver en vain son frère Deimos. Donc, attendez-vous à ce que Sony confirme la nouvelle, sûrement que si c'est pas dans les prochaines heures, parce que ça, la nouvelle a été publiée à 23h15 mercredi soir. Okay. Probablement que là, à 7h20, peut-être tôt un peu pour écrire un petit texte, là, mais ça sent bien sûrement. On va sûrement entendre plus de choses à ce sujet-là, mais la vidéo et le titre et la pochette du jeu ont été dévoilés par Amazon par erreur. Les taquins. Ouais. Ubisoft qui est poursuivi par un auteur américain maintenant. La série Assassin's Creed est l'une des plus populaires des jeux vidéo, une des plus rentables pour Ubisoft. Cette série qui permet de suivre des assassins à différentes époques de l'histoire à travers une machine permettant d'accéder à la mémoire de ses ancêtres. Un auteur vient de déposer une plainte contre l'entreprise française soutenant que le scénario de cette série ressemble beaucoup à l'un de ses romans. La poursuite a été déposée par John Byswinger à la cour américaine du district de Pennsylvanie cette semaine. Il accuse Ubisoft, mais aussi Game Trailers, d'avoir violé les lois du droit d'auteur par l'entremise des jeux Assassin's Creed et des différents produits dérivés comme les livres et les bandes-annonces. Le roman Link de John Byswinger est arrivé sur les tablettes il y a près de 10 ans. Dans son livre, l'auteur, qui est aussi ingénieur, traite d'un système de mémoire ancestrale installé dans un laboratoire. Une technologie semblable appelée Animus est très présente dans la série de Ubisoft. Les jeux réfèrent également souvent à des thèmes reliés à la religion, ce qu'on retrouvait dans Link aussi. OK. Bon. C'est notamment pour ces raisons qu'il poursuit Ubisoft et Game Traders pour 5,25 millions de dollars, alléguant notamment que la société de développement avait accès à son ouvrage puisqu'il était vendu dans les boutiques en ligne dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la France et le Canada. Le premier titre Assassin's Creed est sorti en 2007, donc le livre, lui, datait de 2002, il y a 10 ans, c'est-à-dire il y a près de 10 ans. Ouais. 2002-2003, on va dire. Eh bien. Bonne chance. Ça peut coûter cher. Exactement. De quoi est-ce qu'on parle un petit peu de tour du net, là, rapidement? On parle de dessin. Ça dit « Dessin de brevet sans contexte ». C'est le nom d'un nouveau blog, un nouveau Tumblr dont on parle souvent à CNX. Un Tumblr, c'est un site blog où tu postes un sujet en particulier. Ben, tu peux poster pas mal n'importe quoi, mais ce qui est populaire en ce moment, c'est de poster des affaires sur un seul sujet. Très, très pointu. Okay. Donc celui-là, c'est des dessins. Tu sais, dans les dépôts de brevets de compagnies, ils vont avoir des dessins des fois pour essayer de breveter une idée. Et bien là, on montre ces dessins-là, mais sans le contexte de qu'est-ce que ça veut dire. Okay. Donc là, tu vois par exemple une manette avec le bouton comme un genre de boomerang, ABC, qui sont à la verticale à gauche de la manette, donc ABC. Ensuite, tu aurais le joystick à droite de ça. Start Select, verticalement à droite de ça. Et encore à droite, une croix directionnelle. Donc, ce serait comme quoi une manette, mais un peu à l'envers. Genre que ouais, tes boutons d'action seraient à gauche, puis ton joystick serait comme... Je comprends pas comment tu tiendrais ça, mais c'est ça. Il faudrait de longs pouces. L'article s'appelle Tiny Fingers, Long Thumbs. Petit doigt, mais long pouce. Ça veut tout dire. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Que ce soit, est-ce que je pourrais vous décrire? Il y en a que c'est juste du texte, il y en a dans ces sites drôles. En tout cas, moi j'aime ça, je trouve ça cool. Ça s'appelle Context Free Patent Art. Vous pouvez passer au moins quelques bonnes minutes à naviguer ce Tumblr-là et avoir du plaisir et de pas comprendre du tout ce que ça veut dire non plus. Mais il y en a qui ont du talent en dessin. Hein. Ah, j'imagine. Il y a une vache, c'est quoi cette vache-là? Parce que c'est pas juste dans le domaine des jeux vidéo, là, je crois que c'est vraiment dans tous les domaines. Donc là, on voit une vache avec des dessins dessus, et puis il y a un numéro, il y a un chiffre 40 qui pointe vers une des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, il n'y a pas de contexte, c'est l'idée du blog. Ensuite, l'artiste art Andrew Myers qui utilise des vis de couleur pour créer de la profondeur et du mouvement dans des portraits assez impressionnants. Vous pouvez aller voir ça sur assemblagerequis.com dans les notes de cette chronique CNX. Et vraiment, des vis de couleur qui donne un mouvement, là, c'est comme une photo là, quand tu la regardes de loin, mais quand tu regardes de très très près, tu vois les vis qui ont été vissées un petit peu moins profondément, un peu plus profondément pour faire de l'ombre. Ah ouais. Et puis la face du gars, on voit vraiment la différence entre sa barbe et sa peau. Hey, c'est hot, là. C'est très hot. C'est... Ouais. Il y en a plein à aller voir. Donc, ça doit être de la job, ça. Très beau. Wow. La fille est tellement bleue qu'elle a l'air d'un personnage d'Avatar. Mais oui, c'est voulu. Wow. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Ah oui, c'est ça, une expérience, tiens. On nous dit, mets tes doigts dans ton oreille et gratte. Ok, donc on enlève nos écouteurs de radio. On se met, c'est le fun. Mets tes doigts dans ton oreille. Et puis si tu grattes, ça va sonner comme Pac-Man. Hein? Ça sonne comme Pac-Man. Ça marche. Ben ça marche. Moi je trouve que ça marche. Peut-être pas exactement pareil. Sûr que c'est difficile de vous le faire entendre en nom. Mais on a l'impression de jouer à Pac-Man. Tu sais, waka waka waka waka waka waka waka waka waka. C'était ça Pac-Man, pas mal. Belle imitation, hein? Waka waka waka waka waka. Alors, je vous laisse faire les vidéos. Je vais vous laisser aller voir. Parce que je pense pas que ça va charger. Je pense pas avoir le temps de le charger. Non. Mais il y a la chanson Don't Stop Believing. OK? Don't Stop Believing. Qui combine des extraits de films classiques. Donc, c'est Don't Stop. Tu sais, chaque mot est fait par un film différent. Ce serait sûrement super intéressant à entendre, mais ça ne me tente pas de le charger. Et il y a une fille qui démissionne de chez Microsoft avec une vidéo YouTube. Donc, elle fait une parodie de American Pie, de Don McLean. Tu sais, Bye, Mr. American Pie. Non? Tu mets pas. Mais par contre, elle chante Bye Bye Excel. Quelque chose de genre. C'est jusqu'à travailler, là. Ouais, c'est ça, elle travaillait chez Microsoft. Elle travaillait sûrement dans la division Excel. Mais c'est ça. Très jolie jeune fille, c'est ça qui est ça. Les nouveautés en magasin maintenant pour presque terminer ça. On y va. Je vais pas être trop précis sur les thèmes de chaque jeu. Je vais sauter par-dessus les jeux PC, malheureusement, pour essayer de sauver du temps. Sur Xbox Live Arcade, on trouve Scary Girl, The Splatters, World Gone Sour et Fez. Fez, qui est un jeu produit par une équipe montréalaise. Ça a gagné plein de prix. C'est un jeu genre en deux dimensions, slash trois dimensions, barre oblique, trois dimensions. Donc, c'est un jeu de plateforme de gauche à droite. Mais des fois, à un moment donné, tu vas devoir tourner le monde au complet. Mais tu me l'avais montré, ça se peut-tu? Je pense que oui. Parce sur que des buildings, là? Oui, sur des buildings, exactement. Et puis, tu peux monter sur des toits aussi. Puis... Oui, c'est excitant, cette affaire. Ça avait l'air bien fait. En fait, j'ai pas joué, là, mais... Apparemment, j'ai lu quelques affaires sur des bugs qu'il y avait dans le jeu, mais sinon, moi, j'y jouerais quand... apparemment qu'on peut comme perdre cette partie, à un moment donné. Mais... Peu importe. Okay. Mais allez-y, téléchargez-le. Allez voir des vidéos. Je vous ai posté dans l'article des nouveautés en magasin. Il y a plusieurs vidéos sur le site de Fez, qui est polytroncorporation.com/Fez. Il y en a vraiment beaucoup. Si vous voulez vous donner le goût de jouer, là, parce que ça a gagné comme à date, ils disent au moins 5 prix majeurs. Là. Puis le jeu n'était même pas encore sorti jusqu'à récemment. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de l'essayer. Fez, j'ai très hâte. Même si j'ai pas Xbox Live Arcade, là. Peut-être qu'il va sortir sur un autre format bientôt. J'imagine. Sur le Sony Entertainment Network de la PS3, donc en ligne seulement, Skullgirls, The Pinball Arcade et encore une fois World Gone Sour. Sur la PS Vita, toujours sur le Network, The Pinball Arcade et Treasures of Montezuma Blitz. Donc ça, j'imagine que c'est un jeu où on tire des billes là, comme Zuma, là, j'imagine, c'est ça? Ouais, ça ressemble pas mal à ça, je pense. Un petit jeu casual. Sur le Network de la PSP, Defenders of the Mystic Garden. Sur Nintendo 3DS, Spirit Camera, The Cursed Memoir. Ça, j'ai entendu parler un petit peu de ça. C'est un jeu genre d'horreur. Là, que ça a l'air super hanté. C'est rempli de sang et de violence. Là. Okay. Tu dois prendre des photos de différentes affaires avec ton appareil dans la 3DS. Ça a l'air assez capoté. Et pas sûr que j'aime ça, des jeux qui me font peur de même. Non. Sur le eShop, donc en ligne seulement, Quetzal's Corridors. Et sur DSiWare, Anne's Doll Studio, Tokyo Collection, un jeu de poupées. Hey, on ça, court ça. Acheter ça à soir. S'il te plaît. Ouais. On y va avec du chiptune pour terminer rapidement avec une pièce de Mr. Beep et ça s'appelle Underwater Expedition. Une pièce qui fait très très. Là, ils disent en bas de 8 bits. Là, lui, il classe ça dans de la musique 1 bit au lieu de 8 bits. 1 bit, c'est quoi? C'est une note ou. Non, pas jusque-là. Je vous laisse l'écouter okay. Et on et c'est on bon? Ce qu'on en pense. Moi, je l'aime. Ouais. Je l'aime. Donc on écoute Mr. Beep en CNX. We'll be right back. t'ai puni aujourd'hui, je pense, François. T'as pas aimé ça. Tabarouette. Non, c'est ça. Yeah. Je m'attendais bien à ça. Yeah. Mais pour te récompenser, par contre... Ah oui. Don't stop. Ah. Leave it. Arrête jamais d'y croire. Non. Jamais. Crois-y toujours. C'est la version originale? Non, c'est la version instrumentale, mais vous allez voir les extraits de films dont on parlait il y a deux minutes ou trois. Vont embarquer bien. Just a small town girl. Le son est vraiment pas fort, mais... Okay. Je sens qu'on n'entend pas grand-chose, c'est trop loin derrière, mais ouais. C'est bien fait. Des extraits de films et chaque mot est accordé avec la note. Born and raised. Detroit. Midnight. Train going anywhere. Singer. Le refrain, ah oui, refrain. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est fort. Hein? Ça se prend du temps, là. Ben oui. C'est des vieux films et des très récents. Light. Living just fun. Emotion. Hiding. Summer. And the night. Don't stop. Believe me. That's it all. C'est génial. On prend une petite pause, on revient avec plus d'assemblage requis là. The feeling. Three. Five. People. Voilà qui termine cette édition de CNX.zip. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. On se retrouve jeudi prochain à 10h, en rappel dimanche à midi. Vous pouvez aussi écouter ces chroniques dans leur case originale à l'émission Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec François-Olivier Marchand et moi-même. C'était Mathieu Plante. Passez une excellente journée et à la prochaine. Dash.com.